Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. ...57 rue de Varennes. Cinquième épisode. Encore une dure journée en perspective pour le Premier ministre français Pierre-Yves Gerland. N'ayant reçu aucune autre nouvelle qu'une phalange de Jean-Philippe Belansky, son ministre de la Santé disparu au Botswana, le Premier ministre a demandé secrètement au colonel Michaka de se rendre en Afrique à sa recherche. Deux jours plus tard, mercredi 12 janvier, à l'issue du Conseil des ministres, le président de la République est obligé d'avouer aux journalistes que le ministre Belansky a disparu. Écoutez, mes amis, écoutez la fin des terribles aventures du Premier ministre. Ce dernier épisode commençait pourtant bien. Après le Conseil des ministres, Monsieur et Madame Gerland prennent enfin le temps de faire un bon déjeuner dans un restaurant chic de la rue de Varennes, à deux pas de l'hôtel de Matignon. Si vous voulez bien me suivre, Monsieur le Premier ministre, je vous installe dans le petit salon. Madame Gerland vient d'arriver. Merci. Je vous en prie. Merci pour la surprise. Ça me change de la closerie. Tu as commandé ? Non, je t'attendais. Tu n'es pas pressé, j'espère. Non. Enfin. Un tout petit peu moins que d'habitude. Je me suis organisé pour qu'on puisse déjeuner tranquille. Tu as l'air fatigué, Pivert. Tu es blême. C'est rien. Un petit coup de mou. La nuit était longue. Merci pour les fleurs. Le livreur m'a réveillé, mais j'ai failli l'embrasser tellement j'étais émue. Je suis vraiment désolé pour l'autre nuit. J'avais promis de ne plus... En parlant d'autre chose, profitons plutôt de ce déjeuner. Ce n'est pas si fréquent. Garçon ? Oui, Madame Gerland. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je vous apporte la carte. Non, mon mari est un peu pressé. Vous nous mettez deux formules dégustation. Bien, Madame. Je vous apporte la carte des vins. Non, pas pour moi. Tu veux boire quelque chose, Isabelle ? De l'eau, ça ira très bien. Une bouteille de Châteldon. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Tu peux quand même boire un verre, Isa. Je veux pas t'empêcher de boire. Mais je sais. Mais ça va, là. Je suis bien. Je pensais pas que tu t'en souviendrais. De quoi ? De mes fleurs préférées. Ah. Surtout que c'est pas facile d'en trouver en janvier. Ah, c'est Armelle qui les a dégotées. C'est une magicienne. Oh, excuse-moi. Merde, il faut que je réponde. Éteins-moi ce machin, s'il te plaît. Gerland, j'écoute. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Une seconde, Isa. Non, non, allez-y, je vous écoute, colonel. Parlez plus fort, je vous entends très mal. Quoi déjà ? Bravo, mon colonel. Comment ça ? Vous êtes sûr ? Et il est où, là ? Parfait. Faites le nécessaire, mais ne prenez aucune initiative. Je vous rappelle au plus vite sur une ligne sécurisée. Je vais lui parler. Entendu. Prévenez-moi dès que vous le tenez. Le fumier. Oh non, qui tu appelles encore ? Je voudrais te parler, Pierre-Yves. Attends une seconde, Isa, je vais t'expliquer. Christian, c'est moi. Écoute-moi bien, je viens d'avoir le colonel. Oui, oui, on a retrouvé l'éléphant blanc. Oui, mais c'est plus grave que ce qu'on pensait. Non, non, pas au téléphone. Trouve-nous une petite salle isolée avec une ligne sécurisée. Moi, je repasse tout de suite à l'Élysée. Je vais essayer de trouver le président pour en parler avec lui avant qu'il parte à Berlin. Non, non, pas un mot. À personne, évidemment. Oui, à tout de suite. Bon, je suppose que notre déjeuner s'arrête là. Tu fais fort, Pierre-Yves. D'habitude, tu pars au moment du fromage. Là, on n'a même pas eu les amuse-bouches. On a retrouvé Belansky. Quoi ? Vivant ? Oui. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Je ne crois pas, non. Comment ça ? Je te raconterai, mais là, je dois y aller. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Plus tard. File. Je t'aime, Isa. Ne me regarde pas comme ça, Christian. Mais j'ai eu sa femme au téléphone il y a 2 heures. Je lui ai dit... Arrête ! J'ai proposé ma démission au président qui l'a refusée. C'est bien. Tu pourras dire que t'as eu des remords. Appelle le colonel, s'il te plaît. Maintenant. Boulot de merde. Tiens, ça sonne. Je te le passe. Oui, colonel, c'est moi de nouveau. Alors, vous avez immobilisé la cible ? Sans incident. Bon, il va comment ? Ça oui, j'imagine bien. Non, détachez-le, détachez-le. Et passez-le-moi. Et encore toutes mes félicitations, colonel. Oui, j'attends. Tiens, Christian, tu peux mettre le haut-parleur, s'il te plaît. Je sais pas comment ça marche, machin. Il est en train de lui enlever ses melottes. Le colonel m'a dit que Belansky n'avait pas résisté, mais qu'il avait l'air assez ahuri de les voir débarquer. Il y a de quoi ? Ils l'ont retrouvé en moins de 48 heures. Au fin fond de la brousse. C'est moi. Ah. Sans vouloir te vexer, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un appel du président. Désolé, ce n'est que moi. Comment tu vas ? À ton avis. Bon. Tu réalises la gravité de ce que tu as fait ? Tu comprends ? Tu nous mets tous dans une situation impossible ? Dans celle du président. Je viens de discuter de ton cas avec lui, je ne te cache pas qu'il était furieux. J'ai tenté de lui expliquer ton coup de folie. Mais pourquoi t'as fait ça, Jean-Philippe ? Te couper toi-même un doigt en plus ! Tu sais, quand j'étais gamin, près de la ferme de mes grands-parents, il y avait un vieux chasseur qui m'avait raconté que quand un renard est pris dans un piège, il préfère se ronger lui-même la patte plutôt que de se laisser crever. Je suis allé voir le président fin septembre. Je lui ai dit que je commençais à flipper pour les comptes de campagne. Mais je sais, il m'a dit. Tu aurais dû m'en parler. Mais j'ai paniqué. J'ai paniqué quand j'ai compris qu'après tous les risques que j'avais pris pour la campagne, il était prêt à me laisser tomber. Je me suis senti totalement isolé. J'ai vu le moment où il allait me faire jouer les fusibles pour sauver sa peau. Alors j'ai imaginé cet enlèvement. Je pensais réapparaître dans quelques semaines, bénéficier de la sympathie des médias. Sur ce coup-là, tu as réussi. Tu fais la une depuis 24 heures. Ah bon ? Oui, tu as même réussi à éclipser l'affaire de Bercy. Quelle affaire ? Non, rien, une connerie à propos d'un appart, on te racontera. Sans le faire exprès, tu nous as bien aidés. Mais on ne fait pas de chantage au président, Jean-Philippe. C'est impossible. Qu'est-ce que tu comptais faire avec tes documents sur les comptes de campagne ? Je comprends pas de quoi tu parles. Ne joue pas à l'imbécile. Je te parle des documents que tu as planqués dans ton coffre au Luxembourg. Vous avez eu accès à mon coffre ? Mais qu'est-ce que tu imaginais ? Tu es ministre et tu disparais du jour au lendemain. Alors, les conventions bancaires avec le Luxembourg ? Évidemment, on a eu accès à ton coffre. On l'a perquisitionné chez toi, à ton bureau, chez tous les membres de ton cabinet, dans toutes les résidences secondaires où t'as mis les pieds depuis 10 ans. Ta plus grosse connerie, Jean-Philippe, c'est de les avoir gardés, ces documents. Qu'est-ce que tu croyais pouvoir faire de ces listes ? Je sais pas. Je pensais que ça me ferait une espèce d'assurance chômage. Et pourquoi pas une assurance vie ? Jean-Philippe, le problème à ce stade, c'est ni moi, ni même le président. En gardant ces listes, tu as ouvert la boîte de Pandore. Il y a beaucoup d'entreprises, de lobbies qui sont identifiables là-dedans. Mais c'est pas seulement la réputation de très grosses boîtes que tu mets en péril. Le financement, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. T'as conscience que si ces listes devaient sortir, les dégâts seraient incalculables pour nous, pour l'opposition pour tout le monde. Il y a de quoi se prendre pour deux ou trois mandats de l'autre nostalgique de Vichy. J'aurais jamais pensé que ça prendrait des proportions pareilles. Je vais appeler le président, je vais m'expliquer avec lui. Attends, calme-toi. Tu vas t'expliquer avec personne. On va trouver une solution. On va prendre quelques jours, mais on va organiser ton rapatriement à Paris et trouver une histoire à raconter. Voilà, c'est ça. On va trouver une histoire à raconter. Je ferai profil bas. Je dirais que c'est grâce à l'intervention du président que j'ai été libéré. Et grâce à toi, bien sûr. Bon. On verra. Ne t'inquiète pas. Passe-moi celui qui t'a donné le téléphone, maintenant. Oui. Merci, Périm. À bientôt. Et encore désolé. Passe-le-moi, s'il te plaît. Oui, j'écoute. Vous êtes juste à côté de lui, colonel. Oui, monsieur. Il peut pas nous entendre. Non, monsieur. Bien. Colonel, dès que nous aurons fini cette conversation, vous raccrochez et vous exécutez la cible. Négatif, répétez, s'il vous plaît. Vous avez très bien entendu, colonel. C'est un ordre. Pierre-Yves, je peux parler au colonel ? Non, s'il te plaît, Christian, c'est déjà assez pénible comme ça. Vous m'entendez, mon colonel ? Mal, monsieur. Passe-moi le combiné, Pierre-Yves. Non, s'il te plaît. Christian, les ordres sont clairs. Passe-moi ce téléphone. Colonel, vous reconnaissez ma voix ? Oui, monsieur. Bien, colonel, ne l'abattez pas. Égorgez-le à l'arme blanche. Ça limitera les risques de remonter jusqu'à un de vos hommes. Et ça nous aidera à orienter l'enquête vers un groupe djihadiste. Je vous repasse le Premier ministre. Allô ? Monsieur ? Oui, colonel, je suis là. Bon, écoutez-moi bien. Quand l'opération est terminée, vous mettez en scène tout ça, vous effacez toutes les traces et vous vous débrouillez pour conduire les autorités locales vers la planque de Belensky. Vous attendez encore 24 heures et vous rentrez à Paris. Vous passez à Matignon où je fais semblant de vous passer un savon pour n'avoir pas empêché ça. Puis, vous ne prenez plus aucun contact direct ou indirect avec nous pendant plusieurs mois. Tout est clair ? Oui, monsieur. Au travail, colonel. Merci, Christian. Va te faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Disons-le, dans cette enceinte consacrée, Ces barbares ont ouvert les portes de l'enfer. Guidés par un juste courroux, toutes les autorités de l'État sont désormais mobilisées jusqu'à l'arrestation et la condamnation de ces terroristes et de leurs commanditaires. Sous l'autorité du président de la République, une enquête indépendante sur d'éventuels dysfonctionnements dans les dispositifs de protection des membres du gouvernement a été diligentée. Dans l'attente de ces résultats, la protection de l'ensemble des ministres et des hautes personnalités de la République a été immédiatement renforcée. Mais le temps de la justice viendra. Aujourd'hui, la place doit être laissée à la douleur de la famille et des proches. Nos pensées vont en priorité à son épouse, Véronique. Et à ses enfants. Tiens, Monsieur Perron Chevalier soi-même. Vous ici. Je ne pensais pas que vous sortiez jamais de votre bureau de Matignon. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je vous avais pas entendu arriver. Mais vous savez, Jérémy, lorsqu'on est secrétaire général de l'Élysée, on se doit d'avancer furtivement. Je ne m'attendais pas à vous croiser au fond de l'église. Je vous imaginais plutôt au premier rang. Ah non. Moi, je n'ai jamais été très à l'aise dans ce genre d'assemblée. Je viens d'une famille protestante. Alors, tout ce prêchi-prêcha... L'homélie de l'évêque était particulièrement laborieuse. Chaque époque a les bossuets qu'elle mérite. Alors, en revanche, brillant le discours du Premier ministre, félicitations. C'est de vous, je suppose. Oui, avec Hakim. Je l'ai pendu quasiment d'une traite le soir où on a retrouvé Belansky dans sa planque. Mais l'interprétation de Pierre-Yves y est pour beaucoup. Non, c'est vrai. Il est très convaincant. Il est presque émouvant. Et c'est un bel effort de le dire sans note. Il a une mémoire d'éléphant. Ça a toujours été sa force. Quand il était jeune, il voulait être acteur. Ah oui, bah, j'ignorais. Mais le passage, je pleure un ami et je salue un grand serviteur de l'État, c'est pas de vous. C'est Hugo, non? Bravo, vous m'impressionnez. C'est dans quoi, d'ailleurs, cette phrase de Hugo que vous avez reprise? C'est un poème. Non, l'oraison funèbre de Georges Sand. Ah oui, magnifique. Je pleure une morte et je salue une immortelle. Rien n'a manqué à cette femme pleine de gloire. Elle a été un grand cœur comme Barbès, un grand esprit comme Balzac, une grande âme comme Lamartine. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, oui, moi, ça donnerait presque envie de mourir. Hein. J'espère que vous voudrez bien ne pas dénoncer mon petit emprunt hugolien à Pierre-Yves. Il serait très déçu. Il croit encore que je suis une bonne plume. Naturellement, enfin, solidarité professionnelle. En revanche, je ne pourrais pas m'empêcher de raconter au président cette histoire qui voudrait que son premier ministre rêvait d'être acteur. Alors ça va beaucoup l'amuser. Cela dit, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours trouvé que Gerland avait un physique de vaudeville. En l'occurrence, on joue plutôt une tragédie. Alors disons une tragicomédie. On voit la tête du ministre de l'Intérieur. C'est vrai que Mercadal a plus l'air en colère qu'en deuil. D'ailleurs, vous y êtes allé un peu fort dans votre discours. Le président va désapprouver. Faire dire au Premier ministre devant son ministre de l'Intérieur que toute la lumière sera faite sur les dysfonctionnements dans la sécurité. Les éventuels dysfonctionnements. Et je n'ai pas précisé si on parlait des services français ou africains. Mais certes. Ne poussez pas trop loin votre avantage. Monsieur le directeur de cabinet, Pierre-Yves Gerland ne pourra pas éternellement freiner les ambitions de Pablo Mercadal, qui est au demeurant le protégé du président et accessoirement le favori des sondages. Le ministre de l'Intérieur ne sait rien encore de notre petite opération africaine, mais il y a fort à parier qu'il va mener son enquête personnelle. Et se pourrait même que le président décide de l'informer lui-même. Pourquoi est-ce que le PR ferait ça? Il n'a aucun intérêt à le faire. C'est vrai que pour l'heure, la thèse terroriste arrange autant les autorités françaises que le gouvernement botswanais, mais ne préjugez pas des intentions du président. Je travaille avec lui depuis 12 ans. Il continue à me surprendre tous les jours. Et ici, plus qu'ailleurs, rappelons-nous que les voies du Seigneur sont impénétrables. Vraiment pas quoi faire là. J'ai quelqu'un en ligne qui ne veut pas dire son nom, mais qui appelle d'une ligne sécurisée de Matignon et demande à vous parler personnellement. Ok, passez-le-moi. Mercadal, j'écoute. Attendez, qui est à l'appareil? J'ai pas l'habitude de discuter avec des anonymes. Ah, pardon. Qu'est-ce que je peux pour toi? Oui, bien sûr. Alors, vas-y, je suis tout oui. Oui. Ah. Oui, je le connais. Quand? Mais t'as des preuves de ça? Tu te rends compte des conséquences? Bon, non, pas au téléphone. Rencontrons-nous dans un endroit discret. Ok, ça me va. Je peux y être dans 20 minutes? C'est très courageux ce que tu fais, mais très dangereux. Rue de Varennes, de François Perrache. Cinquième épisode. Hervé Pierre, Binda Ngazolo, Luce Mouchel, Marc Barbé, Gilles David, Thibaut de Montalembert, Grégoire Osterman, Louis-Do de Langzin, Cécile Combe, et les voix de Cécile Côté, Jean-Christophe Fraîche, Delphine Léonard et Élodie Fiat. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SGDL, Société des gens de lettres, pour leur accueil amical. Stagiaire, Julie Guichard. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. She asked me why. I just went on told her. That in the air blowing wisdom, if I made it rain a bell. It's bad, you know. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her.